J'écoute le rap, crée de la merde. J'ai vu leur vie, ils ont les nerfs. Je me vois dans le vocabulaire, mais s'ils n'ont plus de vocabulaire. Je me vois fait bord de mer. Pour l'instant, je suis dans la mer. Y'a des clins sur la neige, me noter sur la chaise. Ouais, j'ai nié, je les baisse. Je fais des billets tout l'hiver. Et je vais piller tout l'été. Leur album somnifère. Et à l'ancienne, tu sors l'épée. En face de toi, arme de guerre. Viens chez nous, y'a du matos. Non, pas comme c'est ton cas. Et c'est qu'on se croit dans Narcos. Y'a que des Pablo, reste au bar. Tu fais le gros, tu veux la top. Juste pour dire, tu me l'écho. Je fais pas le gros, si j'ai la cosse. En polo la cosse, sur le véto. Tu fais le gros, si j'ai la cosse. T'as capté le bail, ouais. Si tu casses, tu payes. GP Cascaray, en direct de ta cité. Tu rends fou pour un 10, allez. Par ta mère, tu vas me sucer pour un feed bientôt.